dis pas qu'on s'en bat les douilles. Pas les douilles, on s'en bat les couilles. Les temps que ça pète que je taille d'ici. Parce que Franco y'a plus d'issue. Qui surfe pas trop, vas-y, dis-y. Quand je pète les plans après c'est fichu. Dans 10 ans, mec, 10 ans, est-ce que je serai au check avec le même blouson? Est-ce que je rapperai toujours ou est-ce que j'aurais tiré un trait sur tout ça? Plein de soucis, allégir avant de trahir, faut réfléchir. J'ai plus d'ici, tu niques la loi, tu prends moi, tu tires. Pour toi, je tire. Quoi ça sert de mentir? Les faux, j'ai le truc de le pressentir. Personne calculé quand je descends. Tu fais le fou au check, tu gardes la ceinture. Pas de force en fait, pas de but sans règle, pas de pitié sans règle. Et en plein embrouille par un courant la mise, tu vois que ton calibre s'enraye. Ils veulent tous se mettre clean mais y'a des trous tout le temps. En plus t'es surveillé par l'OPJ qui te fout le boucan. J'ai pas tout mais je veux pas guetter. Regarde physique comment je fais péter. Demande à Warrior, force trop avoir les dents, finis par te les péter. Donne une instru, je vais t'allumer. Attends, faut tirer sur le calumet. Deux fois ma lunée. Je pense au jour où les flics de pute m'ont chalumé. De coup, écoute, sur papy Jacques ça me dégoûte. Demande à chercher la déroute. Jaloux, fais gaffe à tes roues. C'est pas la fête, on fait nos têtes, le reste. On s'en bat les couilles. Tu fais le trait, tu m'enquêtes, mec. On s'en bat les couilles. On tournait dans nos têtes. On dit pas qu'on s'en bat les douilles. Pas les douilles. On s'en bat les couilles. C'est pas la fête, on fait nos têtes, le reste. On s'en bat les couilles. Tu fais le trait, tu nous guettes, mec. On s'en bat les couilles. On tournait dans nos têtes. On dit pas qu'on s'en bat les douilles. Pas les douilles. On s'en bat les couilles. J'ai la tête dure et la tête dure, je veux plus te voir, même pas en peinture. Ouais, leur rapide à la teinture. On aura, t'inquiète, la ceinture. Ouais, c'est pour tous les mecs durs. 13 et d'ailleurs, mec dur. On te baise et buy un texture. J'te rappe ma life, lecture. J'ai fait de graille, j'ai fait mes bails en devenir. Pas d'épargne, faut des love, notre avenir. Fout de la merde et courir t'aime. T'es de la merde, t'as cliqué qui t'aime. T'es game t'aime, t'es pourri t'aime. T'es game t'aime, t'as des problèmes. Prends le mic et je pose mes mots. Prends le mic ou moi je t'ai mort. Merci à ceux qui gèrent pas les bâtards. Big up à toi, MO. Dans la vie, pas d'amis, man. Dans la tête, pas d'allié. Dans la ville, bataille, man. À quoi pour Aka et Braille, ça y est. Dans la ville, à sec. On sort bagarre sur la 7. La soirée s'annonce malsaine. Ce soir, rap ta v'là la scène. Ce soir, rap ta v'là la scène. Ce soir rap ta v'là la scène. C'est pas la fête, on paie nos têtes, le reste. On s'en bat les couilles. Tu fais le trait, tu nous guettes, mec. On s'en bat les couilles. On tournait dans nos têtes. On dit pas qu'on s'en bat les douilles. Pas les douilles. On s'en bat les couilles. C'est pas la fête, on paie nos têtes, le reste. On s'en bat les couilles. Tu fais le trait, tu nous guettes, mec. On s'en bat les couilles. On tournait dans nos têtes. On dit pas qu'on s'en bat les douilles. Pas les douilles. On s'en bat les couilles. C'est pas la fête, on paie nos têtes, le reste. On s'en bat les couilles. Tu fais le trait, tu nous guettes, mec. On s'en bat les couilles. On tournait dans nos têtes. On dit pas qu'on s'en bat les douilles.